بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد ما كاسبر كوتون لا بيان فوك زوت ساف كو نو وا ان بروميير كور لا كو كوران سي ان ليف كو نو بي با موديفيي اي نو وا ك الله فاي ديسان بوندون موا رمضان ابري سا نو كومونسي ميديتي ان لي بروميير سورات لا اي نو دي سورات نو لان سي سورات الفاتحه. Et donc, mon cas répéter que en Coran, il y a plusieurs sourates. Toutes sourates composées de plusieurs versets. Et nous allons continuer le travail là aujourd'hui. Hein? Un bagage qui est vraiment important, c'est que nous savons ça, Allah l'a dit. Parce que c'est un mot que vous trouvez en lot en Coran. Hein? Et vous savez que ces musulmans, vous avez crié Dieu Allah. Alors, il faut commander quoi pour qui? Et ça, non, Allah l'a dit. Premier bagage là, Pouchi. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous voyez que les petits mouns canettes, papa et maman, ils ont un nom. Et donc, ce n'est pas lui qui a choisi le nom là. Après ça, après il grandit. Il peut changer le nom s'il est. Mais à la base, ce n'est pas lui qui a choisi le nom. Allah, c'est lui qui a créé tout le monde. Et il n'y a pas ni une seule personne qui enfantait. Donc, personne ne peut pas choisir un nom bail. Par contre, Allah y informe nous qu'il y a plusieurs noms. Il faut que vous sachiez que chaque nom n'y a un sens, chaque nom n'y a une signification spécifique. Et chaque nom qu'il y a une information en l'air Allah. Et donc, si vous voulez connaître Allah, faut que vous connaissiez ces noms-là. Allah dit nous, en Coran, Lillahi l'esma'ul husna. Fadouhou biha. Allah, c'est lui qui nie ses plus belles noms. Hein? Alors, invoquez et puis yo. Ça veut dire que ou ka invoquer Allah et puis ces noms là. Ou ka choisi en fonction de ça ou les mandé. Et nous, aujourd'hui, nous qui concentrer comme nous en les noms Allah. Parce que nous, c'est ta qui puisse connaître. Ça, il est dit. Moi, Allah, c'est un mot arabe. Qui lié à un verbe arabe, verbe tala c'est alihe ya le hu. Ça c'est un verbe en arabe. Alihe ya le hu. Alihe. Ça, ça qu'a signifié? Ça qu'a signifié adorer. Adorer. Ou alors prend pour divinité. Verbe tala ça le dit ça. Verbe alihe ça le dit. Prend pour divinité ou alors adorer. Et donc, mot Allah, il est dit divinité. Hein? Ou alors, c'est Allah qui adorait. Alors, Allah, c'est un nom qui est très important. Qui a montré tout de suite l'importance monothéisme là, en islam. Que nous avons adoré en seule divinité. Divinité ta. C'est qui non? Allah. Divinité. Ah. Et donc, nous pouvons continuer à avancer à dans Sourat al-Fatiha. Premier Sourat là en courant. Allah dit nous, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ça veut dire, guidez-nous en les chemins droits là. Alors, musulmans, commandez Allah guider tous les jours. Parce que si vous pas bien guidé, côté où il fini, en différé, alors faut que vous fassiez toutes les causes là pour vous trouver corps en bon chemin. Et parmi ces causes là, vous pouvez invoquer Allah. Et aussi faut que vous lisez ça à la fête des Sanbao pour guider. Alors faut que vous lisez Coran. En deuxième sourate là, et non sourate, c'est sourate al-Baqara, ça qu'il est dit. Vache là. Non sourat là, c'est vache là. Pourquoi nous avons crié comme ça? Pourquoi nous avons crié sourat là? El Bakara, vache là. Parce que sourat ta là, dans sourat ta, Allah a raconté nous ça qui fait entre Moïse et Pharaon. Et ça qui fait, et puis c'est Israélite là. Et il a raconté aussi ça qui fait entre c'est Israélite là, et puis en vache. Allah a raconté nous ça qui fait. Et donc, à cause de ça, sourate là, nous avons crié comme ça. Al-Baqara. Parce que histoire ta, qu'a trouvé quoi en surata. Et donc, en début de surata, Allah dit nous, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ L'Iftala, il pas mis en selle doute en l'œil. Il s'est en guidé pour toutes ses vertueux. Hein. Méditez en l'essa. L'Iftala pas mis en selle doute en l'œil que c'est la vérité, que c'est parole Allah qui l'a. Ces paroles, t'as là qui créait nous, qui créait ciel là, et la terre là, c'est pas parole en être humain qui l'a. Si ou li liv t'as là, ou qu'il comprenne ça tout de suite, et liv t'as là, c'est en guidé pour toutes ces mounes là, qui n'y la piété entière yo. Et donc si ou li la guidé, si ou les connaître chimène en, qui kamène en paradis ya, faut pas ou passer à côté du liv t'as là. Et donc, nous, en premier point, si nous les la guider. Premier bail là, si nous les la guider, faut pas nous passer à côté du livre là. Faut qu'on lit livre là si vous les la guider. Et aussi, si vous les la guider, faut qu'on admette que Allah, c'est Allah qui crée ou c'est Allah qui crée nous. Et il peut faire ça, il est dit nous. S'il est nous rester en bonne santé, nous qui rester en bonne santé. Et s'il est nous tombé malade, nous qui tombé malade, c'est lui qui a décidé. Et aussi, il faut qu'on admette qu'un jour où il retourne bon Allah, un jour où il retourne bon pour y juger ou pour tout ça au fait, faut qu'on admette ces bagailles là. Faut qu'on admette ces deux points là. Si vous faites ça, c'est en cause pour trouver guidéa. Si vous admettez que Allah c'est lui qui crée nous, c'est si vous admettez que Allah a fait ça il est puis nous et que un jour nous qu'on retourner boy pour y juger nous, si vous admettez ces deux points là, faut qu'on sache que c'est en gros cause, faut qu'on sache que c'est en cause pour nous la guider. Allah ça il dit nous encore, il dit nous wabashiris sabirin alladhina idha asabathum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Annoncez bonne nouvelle là pour moun là qui ka endu, pour moun là qui endurant. Annoncez yo bonne nouvelle là. C'est moun là que l'ennemi en mal ka touché yo. Qu'on maladie ou l'ennemi en mal ka touché yo. Yo ka di nous ka appartiennent à Allah et nous ka retourner boy. Concentrez-vous bien. Ça l'est dit. Ça verset là l'est dit. Nous qui appartiennent à Allah. Alors, si nous qui appartiennent à Allah, Allah qui a fait ça, il est puis nous. Parce que nous qui appartiennent lui, il peut faire ça, il est puis nous. Et aussi, si nous qui retournons boy, pourquoi nous qui retournons boy? Pour y juger nous. Et donc, c'est ça l'est dit. Moun lan qui comprend bagaille là, il n'y a en cause de guider. C'est pour ça que Allah dit tout de suite après verset Allah, tout de suite après ça, Allah dit nous, Oulaika alayhim salawatum mir rabbihim wa rahma wa oulaika humul muhtadun. C'est Muntala, c'est yo que Allah qui a fait éloge yo. Ça le dit, c'est yo que Allah qui a parlé de yo en bien. Et c'est yo qui a bénéficié de miséricorde là. Et c'est yo qui bien guidé. Et ça, c'est un point qui est important même. Parce que si vous gardez tous ces péchés qui a fait sous la terre, si vous gardez tous ces mouns-là qui a péché dans le monde, ça qui cause ces péchés-là. Cause-là, c'est que ces mouns-là ont oublié que yo ont retourné bon Allah pour y juger yo. Yo ont oublié ça. Tous ces mouns-là qui a forniqué. Toutes ces mouns-là qui ka forniqué ou qui ka vendre la drogue ou qui ka battre madame yo, si yo te songé que Allah ke jige yo, yo pa te ke fait ça. C'est pour ça que nous ka étonné kon nous le nous ka wè comment y a la fornication, c'est un bagay qui propagé parmi ces chrétiens en Martinique. Comme si c'est un bagay qui normal. Pourtant vous êtes qu'à admettre que bon Dieu qui est jugé nous, et donc il y a un problème. C'est que nous oublions. nous qu'a oublié ça, nous pas qu'a songé ça, là, nous qu'a fait ces péchés là, et donc problème là là, et donc laissez-moi nous qu'a fait ces péchés là, ça c'est en cause qu'a empêché yo trouver la guidée. Parce que là yo qu'a forniqué, yo pas qu'a songé que Allah qui juge yo. Et donc, nous qu'a arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que nous commençons, ouais, c'est cause la guider. Nous commençons, ouais, nous l'en qui l'est la guider, comment n'y a qu'à faire. Alors, nous, ouais, que, faut lire Coran, parce que Coran vini pour ben nous la guider. C'est en guider. Deuxièmement, faut qu'on admette que Allah, il peut faire ça, il est épi ou. Et que, ou songez que, un jour, Allah qui juge ou. Si vous songez ça, ça, c'est en cause pour ni la guider. Parce que si vous songez ça, vous ne mettez qu'en droite. Vous ne mettez qu'en droite parce que vous savez qu'un jour, Allah qui demande, pour tu fais ça, pour tu pas faire ça. Alors, vous ne mettez qu'en droite. Et ça, c'est en bonne cause pour ni la guider. Et ni, en, ni d'autres causes aussi. Mais nous arrêtons là pour aujourd'hui parce que nous ne pas les faire en bagaille qui est trop long. Alors, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et nous pouvons continuer, Inch'Allah Ta'ala. Et en prochain cours là, nous pouvons continuer le même sujet à la guider. Pour nous connaître ces causes là, qui peuvent nous la guider. Faut nous connaître ça, ça c'est un bagage qui est important. Ce n'est pas en question de PlayStation qu'il a, ça c'est en question de paradis éternellement ou enfer, en différé éternellement. C'est important. Et donc, nous pouvons arrêter là pour aujourd'hui. Là. Et moi, quand ils ont en l'autre là, et pas oublier invoquer, c'est aussi c'est en cause de guider, pas oublier invoquer Allah, mandez, guidez-nous, ben nous toutes la guider, nous toutes nous besoin de guider, nous toutes nous besoin ça.